tout léger, sans poids, sans rien, et sans chagrin. Tout léger, moi je vais mon chemin vers demain. Après des années d'errance, j'entrevois cette lumière, je la prends comme une chance qui peut m'éloigner d'hier, loin des doutes, loin du mal, ma déroute se fait la malle. Je regarde derrière, je n'ai rien à regretter d'avoir choisi la lumière, m'a probablement sauvé de la reine, du malheur, de ma peine, de tous ces pleurs. Si la vie doit bien se vivre, si l'espoir est un moteur, il ne sert à rien d'être ivre, il vaut bien mieux être à l'heure de soi-même, de l'amour. Moi je t'aime, c'est pour toujours. Quand tu m'as donné ton âme à découvrir sans pudeur, j'ai abandonné mes drames, me suis offert plein d'ardeur. Atterrir à ta voix, tu respires toute ma joie. Tout léger, sans poids, sans rien et sans chagrin. Tout léger, moi je vais mon chemin vers demain. D'avoir su ne pas me craindre, d'avoir bien voulu m'aimer, d'avoir su ne pas me peindre comme moi, je me voyais, a fait naître l'avenir de mon être, m'a fait fleurir. Oui, c'est bien toi ma lumière qui m'emmène vers demain. Je suis fort comme une pierre sous la chaleur de tes mains. Et je t'aime, je suis là, ici même, rien que pour toi. Tout léger, sans poids, sans rien et sans chagrin. Tout léger, moi je vais mon chemin vers demain.